Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Myriam, rencontre... Tu te présentes en quelques mots et ce que tu veux, évidemment. Mais si ça tombe, t'avais même pas envie qu'on donne ton prénom, je suis désolée. Je peux t'appeler autrement, si tu veux. Hein. Rester dans l'anonymat, peut-être. Oui, voilà, là, je pense que c'est un peu tard. Non, mais y a aucun souci. Mais donc, je m'appelle Myriam. Je travaille dans le mouvement ouvrier et je milite par rapport à différentes causes sociales. Notamment à l'intérieur des comités Action contre l'austérité en Europe, qui a participé notamment à la plateforme des 19-20, qui avait été l'occasion de notre première rencontre, donc autour de l'action du blocage du sommet européen. Waouh ! Et le 19-20, pour ceux qui ne... Ça fait un peu le journal de 19-20h, en fait. Hein. Tu peux expliquer en quelques mots, c'est quoi ce 19-20 ? Mais donc c'est une alliance qui est née il y a quelques 6 mois, enfin c'était au mois de juin l'année passée, à l'initiative de producteurs de lait qui sont regroupés dans une association d'autodéfense, où ils se défendent eux-mêmes, c'est un syndicat, donc le MIG. Et donc eux avaient fait des grosses mobilisations par rapport au quota laitier 2 ans auparavant, et puis entre-temps ils se sont dit et en fait ce qu'on est en train de se prendre dans la figure comme producteur de lait, des tas d'autres catégories sociales se le prennent aussi dans la figure, et donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une alliance large où on lutterait contre le fait qu'aujourd'hui on essaye de nous faire payer la crise alors qu'on n'en a aucune responsabilité. Et donc aujourd'hui dans l'alliance, donc son nom elle vient des dates, donc le 19 et le 20 décembre 2013, il y avait un sommet européen qu'on avait en point de mire, et d'où le nom. Maintenant, on a décidé de continuer. On a réunion pas plus tard que ce soir. Et donc, mais à ce stade-ci, on a dit qu'on ne changerait pas de nom. On continuerait à s'appeler des 19, même, enfin des 19-20, mais souvent on dit des 19. Voilà. Et donc, dans l'alliance, il y a évidemment les producteurs de lait, mais qui ont été rejoints par la FUGEA, qui est un syndicat d'agriculteurs. On a des syndicalistes, ceux qui sont les plus actifs, c'est la CNE, la Centrale Nationale des Employés, et la CGSP, donc le Syndicat des Services Publics au niveau bruxellois. Et la CGSP, c'est la FGTB, et la CNE, c'est la CSC, et, enfin c'est passé, mais ça fait partie d'eux. Et puis alors on a toute une série d'ONG et d'associations environnementalistes, des ONG de développement nord-sud... Des chômeurs. On a des personnes aussi. C'est une alliance particulière parce que c'est pas une plateforme d'organisation uniquement. C'est, comme indiqué sur le site, une alliance citoyenne. Et donc l'idée, c'est que tout le monde puisse participer, y compris les personnes non organisées. Ça veut dire que c'est pas politique, quoi. C'est ça ? En l'occurrence, elle est apolitique, très clairement, et c'est quelque chose qu'on revendique, et là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, elle est apolitique, liée à aucun parti. On a eu une discussion la dernière fois, notamment sur... parce qu'il y a des partis qui veulent s'y inscrire ou nous soutenir, et en fait, on a voté à la dernière assemblée pour qu'ils aient un statut particulier, et donc que ce ne soit pas eux qui soient à la manœuvre, parce que ça doit être les citoyens et les organisations qui organisent les citoyens qui elles, sont à la manœuvre, quitte à ce que l'un ou l'autre parti qui adhère à nos revendications et à nos critiques puisse dire qu'ils soutiennent, mais ce n'est pas eux qui organisent. Voilà, mais donc c'est apolitique. Et c'est voilà, un mix entre une plateforme d'organisation et un regroupement de citoyens. Et donc, c'est quand on dit apolitique, ça veut dire que c'est pas là pour représenter un parti. Ça veut pas dire qu'on n'a pas une pensée sur le vivre ensemble, évidemment, faire la petite distinction. Et oui, donc c'est un mouvement qui à partir de gens qui ont géré un problème avec l'histoire du lait, quoi. Ça part de ça, cette idée. Oui, donc ça part clairement des producteurs de lait, qui, notamment les petits producteurs de lait, qui se retrouvaient en situation extrêmement difficile. Il y a toutes les semaines, en Belgique, une ferme qui fait faillite. Il y a des... Mais c'est vraiment vrai, ça ? Écoute, c'est les agriculteurs qui me l'ont dit. Moi, je les crois. Hein. J'ai pas été vérifiée sur le terrain. D'autant que moi, je suis une urbaine. Hein. Je suis de Bruxelles. Mais j'ai entendu ça il y a pas tellement longtemps non plus. Genre, il y a une ferme qui ferme tous les jours. C'est vrai ? C'est pas vrai ? C'est énorme, quoi. Mais la situation des petits producteurs, elle est similaire à la situation de tous les petits, entre guillemets, petits travailleurs, travailleuses. Et donc, ce sont les grands qui gagnent. Et donc on a une société qui favorise ceux, enfin au niveau des agriculteurs en tout cas, ceux qui détiennent des grandes surfaces, donc l'équivalent des latifundistes en Amérique latine. Donc on a une politique qui favorise les gros par rapport aux petits. On voit ça dans les entreprises, les multinationales écrasent les PME, les travailleurs qui ont les dirigeants. Enfin voilà, on retrouve cette dichotomie et cette politique qui fait payer la crise aux petits, quoi. Hein, comme on dit à Liège, tout dit les petits compotes. Et donc ça vaut aussi, malheureusement, pour les agriculteurs. Ok, et donc il y a eu ce rassemblement de plusieurs gens de différents horizons. Et conclusion en fait de cette manif, qu'est-ce que vous en retirez de tout ça ? L'envie et la motivation pour continuer à lutter ensemble. Je pense que pour certains qui participaient pour la première fois à un mouvement citoyen, certains ont été déçus en fait en disant bah tiens les politiques, notamment donc le lendemain de la mobilisation, il y a eu le vote du traité budgétaire au niveau du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Et certains ont dit oui mais enfin on s'était mobilisés, on avait fait tout ce qu'on pouvait et ils ont quand même voté. Pour ceux qui sont militants depuis un peu plus longtemps, je pense qu'on n'avait pas du tout l'illusion qu'une manifestation suffit à faire bouger les lignes. Et donc cette manifestation du 19 décembre, pour nous, elle est une réussite parce que bah, d'une part, on a appris à bosser ensemble et on s'est vraiment rencontrés avec des visions politiques. Hein, tu parlais tout à l'heure de visions politiques qui sont parfois vachement distantes. Et donc, bon, la ruralité, l'urbanité, les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, que sont les agriculteurs, les hommes, les femmes, il y a toute une série de tensions à l'intérieur. Mais on a réussi à s'appuyer plus sur ce qu'on avait en commun que sur ce qu'on avait comme différence, ou faire des différences, à la limite, une richesse. Et donc ça, en tout cas, c'est extrêmement positif. Et l'atmosphère qu'il y avait dans la manifestation, au moment, en fait, on a bloqué plusieurs carrefours, et à un moment, tous les militants qui étaient sur les différents blocages se sont retrouvés et ont convergé dans un seul cortège. Et là, il y a eu vraiment une atmosphère, enfin, ceux qui étaient, je pense, sont tous d'accord pour dire qu'il y a eu une atmosphère extrêmement positive où à la fois on était contents de se retrouver ensemble, notamment des corps de métier qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qu'on sentait que bah, si on montait en force et si on persistait, bah, à un moment, on pourrait avoir plus de pouvoir, et notamment le pouvoir d'infléchir des politiques antisociales. mais quoi, tu veux dire là, je te suis pas... Parce que d'une main, tu dis, on n'a pas l'illusion, mais même un groupe qui est solidaire, qui avance, ça rentre dans la violence. Parce que, tiens, je me souviens, l'agenda culturel, tu avais bien précisé que ce n'était pas une manif, c'est non violent. Mais justement, jusqu'à quel point cette... évidemment, moi, je souhaite aussi la non-violence. Gandhi, pour ça, était génial. Quel exemple de dingue. Mais dès que tu montres que tu n'es pas d'accord, ok, ça c'est une chose, tu as le droit de manifester, d'ailleurs c'est cadré, et puis à une certaine heure, tout le monde rentre chez soi. Mais j'imagine que les gens, pour finir, ont envie d'aller jusqu'au bout. Ça ferait rentrer les gens dans... Enfin, il y aurait une certaine forme de violence, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et si tu veux, avant de répondre à la question de la violence, la question, je vais peut-être revenir sur pourquoi il peut sembler y avoir une contradiction dans ce que j'ai dit. Donc quand je disais on n'a pas l'illusion de, c'est on n'a pas l'illusion de construire un rapport de force en une manif avec 2500 personnes. Donc 2500 personnes, c'est déjà super pour une première action, avec des gens très différents, tout ça, je l'ai expliqué, avec des conditions, on n'a aucun salarié qui bosse. Et donc on a, je veux dire, qui est payé pour la plateforme ou par la plateforme pour, par exemple, communiquer, tout ça. Donc on a tout fait à la bonne volonté des uns et des autres. Le tract est paru tard, on était sur des questions assez techniques, comme le partenariat transatlantique et le TSCG, donc le traité budgétaire. C'est pas des choses faciles, les gens, à la limite, ils savent même pas de quoi ils retournent. Donc se mobiliser sur un texte dont on sait même pas les tenants et les aboutissants, c'est un peu compliqué. Donc on avait un contexte qui était globalement très défavorable à la mobilisation. On a quand même réussi à avoir 2500 personnes, donc nous, on estime que c'est bien. Mais quand je dis on n'a pas l'illusion, c'est qu'on n'a pas l'illusion qu'une manifestation suffit et qu'une manifestation à 2500. Donc nous, c'est pas... Donc clairement, cette manifestation se voulait non-violente, et ce qu'on programmera à l'avenir restera non-violent. Enfin, après, à un moment, si... voilà, on n'a pas non plus la maîtrise totale sur ce qui se passe, mais en tout cas, il n'y a pas du tout d'intention de passer à la violence qui n'aurait... voilà, on n'est pas des terroristes, à ce stade-ci, à 2500, ça n'a pas de sens. Mais quand je dis... Par contre, qu'on espère et qu'on est ressorti de la mobilisation avec l'espoir qu'on pouvait faire changer les lignes, c'est parce que si on a réussi à se mettre ensemble des groupes sociaux qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble, qui ont des réalités très différentes et tout ça, mais qui ont réussi à faire un événement en commun et à s'y retrouver tous et à avoir envie de continuer après, eh ben, c'est un potentiel que la prochaine fois, ben, on soit 10 000 et plus 2500, que la fois d'après... on soit 20 000 et plus 10 000, et ainsi de suite. Et donc, c'est la mobilisation de masse. Pour nous, ça, c'est vraiment l'essentiel. Il nous faut l'adhésion, notamment, parce qu'il y a la participation d'un maximum de monde dans l'action, mais il y a aussi l'adhésion, je dirais morale, mais c'est peut-être pas le bon mot, de la population en général. On doit refléter ce que les gens pensent et ont envie de dire. Sinon, on devient un petit groupuscule qui estime que les politiques sont pas bonnes et qu'il faudrait faire autrement. Et donc, le potentiel, il est grand si on met une stratégie de communication, d'information, de mobilisation, et qu'on donne aussi des dates avec des mobilisations qui sont à la hauteur des attaques. Parce que, bon, des mobilisations, je lisais dernièrement qu'à Bruxelles, il y avait 800, il y avait eu sur une année plus de 800 manifestations, ça veut dire plus que, enfin, quasi 3 manifestations par jour. Donc, c'est pas le nombre de manifestations, c'est plutôt la convergence et le fait qu'elles aient une progressivité. Donc dans le chiffre, mais aussi dans la forme. Donc c'est pour ça qu'on a notamment la forme de l'action surprenait un peu, puisqu'on a appelé à bloquer le sommet européen, en disant, ben voilà, les personnes qui vont là et qui décident là en notre nom ne nous représentent pas et ne défendent pas nos intérêts. Là, j'ai perdu un peu le fil. En notre nom. Ben, normalement, on pourrait imaginer dans un système de démocratie représentative que les chefs d'État représentent l'intérêt de leur population. Ici, nous, on se questionne vachement par rapport à cet a priori, cette hypothèse-là, et on a même des éléments. Enfin, quand on voit qu'à Bruxelles, il y a plus de 2500 lobbyistes qui défendent pas les intérêts du peuple, quand on voit que par rapport au partenariat transatlantique, la Commission se fait fort de mettre sur son site internet qu'elle a consulté la société civile et elle met la composition, en fait, mais il faut, évidemment, c'est assez technique, il faut avoir le temps d'aller voir ça, mais donc on va voir la composition des personnes qui ont été consultées, eh bien elle représente pour 90% les intérêts du patronat et de certains secteurs et pas les intérêts de la population ni des travailleurs avec et sans emploi et des travailleuses. Et donc c'est là que je dis, il y a un souci, c'est qu'ils ne nous représentent pas, et donc voilà, à ce titre-là, nous estimons pouvoir et même devoir pour l'avenir de la société à court terme et à moyen et à long terme, pour que nos gosses aient des emplois, pour que, enfin, aient une dignité. Il faut qu'on dise non à ces politiques-là et à ces lieux qui décident des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts. Mais c'est marrant parce que la manif, en fait, il y a une fille qui m'a fait cette remarque que je trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la mobilisation de ces 2500 personnes le jour de la manif, on n'aurait même pas entendu parler de cette réunion au sommet de l'Union européenne. Et en gros, dans les médias, il n'y a personne qui a parlé de ces deux traités, si ce n'est par le biais de la manif. Donc c'est important de manifester, même si on ne gagne pas. De toute façon, c'est sûr qu'on ne gagne jamais. Ou alors, c'est la révolution et on rentre en force, quoi. Enfin, moi, je connais dans l'histoire que des choses comme ça. Ou alors, tu vas m'apprendre quelque chose, mais il me semble... Il y a ça que je voulais dire. Et puis, ce que je voulais dire aussi, j'ai l'impression que c'est une conjoncture économique, politique, sociale qui fait qu'à un moment donné, ben, les gens, ils en ont tous ras-le-bol. Ils sont différents, ils ont des pensées évidemment différentes, mais ils en ont tous ras-le-bol. La vie est difficile et dure, et donc on va tous dans la rue manifester. Et donc, sûrement, ce serait plus que 2500 dans le futur, tu vois. Enfin, c'est comme s'il n'y a pas la maîtrise de tout, quoi. Et même dans ce groupe de gens... Je parle d'un futur, hein, tu me suis. Il pourrait y avoir un groupuscule de personnes qui on a vraiment ras-le-bol et passent à l'action en cassant et en faisant des choses comme ça parce que c'est leur manière de montrer qu'ils en ont marre. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. S'ils cassent des vitrines, je ne peux pas dire que je l'encourage, loin de là, mais je peux comprendre. Pour l'instant, on casse des vies. Pour l'instant, les politiques actuelles au niveau de l'Union européenne sont foncièrement à droite et elles détruisent notre avenir à toutes et tous. Et donc, où est la violence ? De quelle violence est-ce qu'on parle ? Donc il y a un moment, il faut vraiment se poser cette question. Mais je pense que cette question, elle se pose que quand, comme tu dis, il y a des gens qui sont à bout parce qu'ils ont tout perdu. Voilà. Mais donc les gens qui sont aujourd'hui dans la plateforme sont des gens qui sont politisés. Enfin, politisés, pas dans le sens qu'ils ont une carte de parti, hein, c'est pas ça la question, mais qu'ils ont une certaine vision de ce qu'était le monde avant, ce qui pourrait être demain si on laisse les choses se faire. Mais qui sont pas qui ont une colère qu'ils parviennent à structurer et qui se concrétise dans une stratégie qui vise à une mobilisation large et à long terme. On réussira pas à gagner tout de suite. Maintenant, une manifestation n'a jamais réussi toute seule à amener un grand changement. Maintenant, je pense qu'il y a quand même eu des tas de conquêtes sociales dans l'histoire. C'est vrai que le contexte, il était autre. Donc on a obtenu, par exemple, la sécurité sociale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de monde bipolaire, avec la peur du communisme, avec les résistants qui avaient encore leurs armes, avec une négociation obligatoire du patronat par rapport aux travailleurs. Voilà, il n'y a pas eu de révolution pour autant. Ça ne veut pas dire que... Mais il y a des gens qui sont morts et tout, hein. Oui, mais donc après, il faut qu'on se mette d'accord sur c'est quoi une révolution. De la violence, quoi. Enfin, la violence, c'est-à-dire pas ce passage à l'acte, et c'est un peu le chaos pendant je ne sais pas combien de temps. Oui, vraiment, je pense qu'il faut... Il faut qu'on se mette d'accord sur les mots. Donc, pour moi, une révolution, c'est un changement radical. Et aujourd'hui, qui parle de révolution ? C'est Barroso, qui parle d'une révolution silencieuse... Et donc une révolution n'est pas nécessairement violente, mais c'est un changement radical. Et pour l'instant, il y a une accélération en fait de politiques qui détruisent toutes les conquêtes sociales, qui vont nous amener dans une situation qui se rapproche de ce que les pays du tiers-monde ont vécu à travers les plans d'ajustement structurel. Et donc il y a quelque chose de très, une vague qui destructrice, très violente, qui est en train silencieusement de détruire l'avenir de nos droits, sociaux et politiques et humains. Et donc, je pense que... Enfin, moi, j'associe pas révolution à violence, ni violence à révolution, parce que je pense qu'il peut y avoir de la violence. Voilà, aujourd'hui, il y a une violence institutionnalisée, quasi. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'on met derrière la violence ? Est-ce que c'est un gamin qui jette un caillou sur un pare-brise ? Ou est-ce que c'est des familles entières jetées à la rue en Espagne parce qu'elles n'arrivent plus à payer, à rembourser les intérêts hypothécaires, leurs emprunts hypothécaires ? Elle est où la violence ? Il y a eu une émission d'Arte qui s'intitulait « La fabrique de la pauvreté ». Donc, c'est quoi elle est où, la violence ? C'est Ziegler qui dit, par rapport à la faim dans le monde, donc FAIM, qui dit qu'en fait, toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui est assassiné. Mais le fait qu'il utilise le mot « assassiné » est très puissant, évidemment. Parce que justement, et ça, c'est pas violent. Enfin, donc, elle est où, la violence ? Maintenant, nous, clairement, hein, parce que là, on est en train de discuter... à micro ouvert, tranquillement autour d'un thé. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, dans l'Alliance des 19, il n'y a pas du tout question de violence. Oui, il y a eu des arrestations de gens où il y a eu des violences. Oui. Ça n'a pas été peut-être relaté dans les journaux. Ça aurait pu dégénérer. Ça ne l'a pas été, heureusement. Mais peut-être la prochaine fois, il pourrait... Tu vois, c'est jamais... c'est mon avis, c'est toujours autour, quoi. Il y a quelque chose qui peut déborder parce qu'il y a un ras-le-bol de quelqu'un et il donne l'idée à un groupe et c'est parti, quoi. Et c'est peut-être pas ça qu'on voulait, mais en même temps, ça a quelque chose de logique. Mais la violence, dans le cas, effectivement, que tu cites, donc il y a eu, à la fin de la manifestation, 80 militants arrêtés dans le parc du Cinquantenaire. La violence, elle venait pas des militants, hein. La violence, elle venait de la police, qui les a encerclés, qui a couru derrière, qui a arrêté des gens qui se baladaient dans le parc. Donc déjà, ils étaient dans le parc du Cinquantenaire. Alors dis-moi ce qu'ils allaient faire comme violence dans le parc du Cinquantenaire. Donc je veux dire, il y a une violence, il y a eu un salut nazi qui a été fait par un des policiers, il y a eu des arrestations violentes, mais la violence, elle venait pas de nous. Donc que la question, justement, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à la supporter, se pose, ça oui. Mais l'histoire, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter la violence des politiques de destruction, de dégressivité, des allocations de chômage, d'exclusion, d'Europe forteresse par rapport aux migrations, de destruction et privatisation des services publics. Ça, c'est aussi la violence. Alors soit on se dit on s'en accommode et on la met sur un autre pied que la violence physique. Nous, on estime que cette violence, face à cette violence, il faut des réactions fortes. Ça ne veut pas dire violente. On n'est pas là, on n'est pas à... parce que la violence. Enfin bon, voilà. Après, c'est une discussion compliquée. Mais de toute façon, il n'y aura pas de on ne changera pas les lignes sans un mouvement de masse. Moi, je pense que c'est ça notre premier objectif, c'est la mobilisation de masse. Si on est 100 000 dans la rue contre les politiques d'austérité, et qu'à un moment, il y a effectivement des groupes, par exemple, des travailleurs d'une entreprise qui vient de fermer, qui pètent un câble, c'est logique. Hein. C'est logique. Mais j'imagine, toi, tu dois un peu connaître, mais en Espagne, c'est pareil, c'est la cata, quoi, au niveau... des gens, leur quotidien, l'argent, compagnie, enfin, l'argent, c'est pas bien dit, enfin, les valeurs humaines, là, c'est carrément, c'est dur, quoi. Il y a je sais pas combien de pourcentage de chômage, mais des gens sont allés dans la rue. T'es un peu au courant ? Est-ce que ça change les choses ? Je dis pas qu'il faut pas aller dans la rue, hein, mais peut-être, parce qu'on était là occupé à parler de cette violence, mais évidemment que toi, Myriam, tu n'as pas envie que le mouvement qui se crée pour montrer un désaccord soit violent. Mais à un moment donné, c'est inévitable, si tu vas vers une machine qui est déjà bien... qui est bien féroce et bien dure pour mettre des gens à mal comme ça... Je veux dire, à un moment donné, ça, il va y avoir une confrontation. Je crois qu'il ne faut pas s'illusionner. comment changer les choses, si ce n'est par le biais d'un chaos et d'une violence. Moi, je ne suis pas pour, mais vraiment pas, quoi. Hein. Mais j'ai bien vu, j'étais à la manif aussi, je vois les policiers, là. Mais quelle violence, même simplement de ne rien dire, de ne pas parler, d'être comme ça, une espèce de zombie avec une matraque, et dès qu'ils ont un... C'est horrible, c'est violent, quoi. Enfin, voilà. Oui, on est de toute façon... Enfin, aujourd'hui, l'objectif, c'est la mobilisation du plus grand nombre possible de gens. Et je pense que ce n'est possible que si on fait tout un travail politique, donc à nouveau, pas la question liée au parti, mais plus de quelle est notre vision de la société demain, et de la question aussi du pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver un pouvoir sur nos vies qu'on n'a plus aujourd'hui? Et donc ça, je pense qu'il y a un mot avec lequel je ne suis pas d'accord dans ce que tu viens de dire, c'est le mot « chaos ». Je ne pense vraiment pas que ce soit par le chaos qu'on parviendra à changer les choses. Le chaos, ça va nous ça va à la limite créer de la violence inouïe, mais ça va pas changer les choses. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est par une organisation, la formation, la sensibilisation, l'élargissement des actions structurées, réfléchies, qui mobilisent massivement tous les acteurs concernés. Je pense que c'est au contraire par quelque chose, on doit être plus fort qu'eux, par autre chose que la violence, parce que c'est clair que nous, on n'aura jamais les matières qu'ils ont. On n'a même pas les boucliers pour se protéger qu'eux ont. Donc on ne doit pas les attaquer avec les mêmes armes qu'eux. En plus, ce serait incohérent par rapport à la société à laquelle on aspire. Donc je pense qu'on doit opposer deux choses, enfin, ou trois, enfin bon, les masses conscientes. Donc les gens ne doivent pas venir dans la rue parce qu'ils trouvent sympa ou parce qu'ils passent là par hasard. Ils doivent venir parce qu'ils savent ce qu'ils vivent et ils savent ce qu'ils ne veulent pas vivre. Voilà, donc il y a un travail donc des masses conscientes et organisées. Et donc sûrement pas le chaos, parce que là, ça va tuer le mouvement direct. Mais oui, mais Myriam, c'est parce que je crois que tu ne comprends pas mon raisonnement. Moi, je ne souhaite pas la violence. Évidemment que je souhaite un monde où tout le monde est à la table des négociations, puisse donner son avis, et même si on est différent, on est capable de trouver un consensus. Ça, c'est l'idéal. Mais l'idéal, c'est un... L'idéal, on n'est pas dans ce monde idéal, là, pour le moment. Il y a des lois, en tout cas, la manif, résumons un peu l'idée aussi, cette manif... C'était des gens au pouvoir qui sont occupés à mettre des lois en place contre les gens, quoi. D'ailleurs, on pourrait parler un petit peu de ces lois qui sont mises là. Mais évidemment, c'est parce que j'imagine dans le processus, il y a une manif qui se fait, elle se passe bien, il n'y a pas de violence. Il y a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième. Mais c'est surtout la conjoncture, économique, sociale, politique, qui fait qu'à un moment donné... Les gens, ils souhaitent qu'une chose, c'est d'aller à une manif pour montrer leur mécontentement. Mais j'imagine que peut-être toi, tu n'as pas le sentiment, tu n'as pas la rage, mais peut-être il faut s'imaginer ça. Il y a peut-être mon voisin, lui, il a la rage, il n'en peut plus, il a perdu son boulot. Et donc, il va être plus tenté de montrer sa rage lors d'une manif. Et puis, ça part en cacahuète. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, l'idéal pour changer le monde, c'est que ça se fasse autour d'une table, tranquillos, à boire un thé, à réfléchir quelles sont les différences et comment se rassembler. Mais il y a aussi une phase, et c'est pas moi qui le choisirais, hein, mais où dès que tu montes ton désaccord, dès que tu te ramasses d'abord la police. La police, elle est là pourquoi ? Régner l'ordre, et s'il y a du désordre, comme une manifestation, parce qu'à une certaine heure, ta manifestation, elle doit être finie, j'imagine que les gens ont envie de continuer la manifestation, eh bien, on va rentrer dans un rapport de force. Et les manifestants qui ont été arrêtés, c'est ce qui s'est passé, ils ne comprenaient pas pourquoi ils se faisaient arrêter, et pourquoi on leur faisait du mal. Tu comprends, à un moment donné, ils ne voulaient pas ça, évidemment, mais tu rentres dans la machine, quoi, de la violence, dès que tu montes ton désaccord. Ça pourrait prendre cette ampleur-là aussi, quoi, de chaos, alors que moi, je ne décide pas le chaos, évidemment, mais que ce soit le chaos, parce qu'il n'y a plus l'ordre qui règne, quoi, parce que les gens veulent changer les choses. Je voudrais réagir par rapport à plusieurs choses. D'abord, tu dis que tout dépend du contexte socio-économique. Et en gros, j'entends à travers ce que tu dis que plus les gens seront dans la merde, plus ils bougeront. J'entends cette hypothèse-là. Alors, tu me corriges si c'est pas ça. Mais en tout cas, si c'est ça, moi, je la partage pas. Si c'était le cas, il y aurait la révolution tous les jours en Éthiopie et en Somalie. Donc c'est pas plus on est dans la merde, plus on réagit. Il y a d'autres éléments, beaucoup d'autres. Et donc ça, c'est une première chose. Donc n'attendons pas d'être plus bas quand on voit notamment la montée de l'extrême droite en Grèce. Voilà, les Grecs, hein, on en parle comme d'un laboratoire par rapport aux politiques européennes. Il y a des tas de mouvements et d'organisations qui essayent de faire un travail, qui font un travail politique vraiment d'envergure, mais le truc et la machine est telle qu'il y a toute une série de gens qui vivent l'exclusion et qui se retournent vers un bouc émissaire, entre guillemets, facile, qui est l'étranger. Et donc, on a la montée des populismes, la montée de l'extrême droite, la montée de choses horribles qu'on n'a plus du tout envie de voir, ni en Europe, ni ailleurs. Et donc je pense qu'il faut réagir et toute la stratégie qu'on doit parvenir à mettre sur pied à l'intérieur de l'Alliance, mais d'autres mouvements, hein, évidemment pas le seul, on discute notamment avec Acteurs des Temps Présents, qui est une initiative qui rassemble notamment des syndicalistes de la FGTB avec des intellectuels, des artistes, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais le monde artistique s'en prend aussi plein la figure, et des agriculteurs également. Et donc c'est une initiative un peu similaire et on essaye de voir comment on peut créer des ponts. Et donc nous, en tant que militants d'organisations sociales, notre objectif, c'est de politiser les gens et de nous politiser en même temps, parce que c'est super intéressant. Et les discussions qu'on a pu avoir avec des gens qui ont d'autres cadres de référence, une autre manière de penser, sont super constructives. On fait de l'auto-émancipation collectivement. Et alors, on réfléchit à des stratégies. Et ces stratégies, elles sont organisées. Maintenant, si dans ces stratégies organisées, il y a des actions et que dans les actions, il y a des groupes qui arrivent et qui n'ont pas fait tout le chemin avec nous, ben voilà, c'est pas grave, ils nous rejoignent à un moment dans l'action. Donc moi, je ne mettrai pas, tu vois, tant d'emphase à poser la question violence, pas violence. À un moment, quand les flics nous tapent dessus, bah oui, il y en a qui vont répondre. Bah, et alors, c'est légitime. Je veux dire, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, c'est évidemment, après, on a aussi, j'ai envie de dire le libre arbitre de chacun. Et donc, si moi, j'ai pas envie, en l'occurrence, j'ai pas envie de me faire taper sur la gueule, bah, je recule à ce moment-là. Mais si on est, à nouveau, je reviens sur la question du nombre. Sur la question du nombre et la question, on a vu en Espagne, puisque tu parlais des mobilisations en Espagne, on a vu des flics déposer leurs armes et dire « moi, je suis avec vous ». Alors oui, aujourd'hui, il n'y a pas de changement significatif, malgré des mobilisations, pour le moment, en Bosnie, mais il y en a également énormément dans tous les pays du sud de l'Europe. Ce qu'il y a, c'est... Alors là, il faut qu'on analyse. Et qu'on fasse une analyse suffisamment fouillée. Donc il y a des convergences, des luttes très intéressantes en Espagne avec les marches de couleurs, en fait, où ils associent notamment les usagers et les travailleurs de différents secteurs. Donc il y a les enseignants, donc les élèves, les parents, les enseignants ensemble. Ça, c'est une dynamique très intéressante. Il y a ça pour le secteur médical aussi, les usagers des soins de santé, c'est-à-dire nous tous et toutes, et les travailleurs du secteur, qui se mettent ensemble. Il y a des luttes gagnantes. Il y a eu, notamment dans une ville d'Espagne, toute une mobilisation par rapport à la privatisation du secteur du ramassage des déchets, avec des grèves et notamment toute une série d'actions soutenues en partie par la population qui ont permis de faire marche arrière. Et donc, pas marche arrière, donc il ne s'agit pas de... j'aime pas ce côté qui donne un peu l'idée qu'on veut revenir en arrière, mais en tout cas, ne pas détruire des conquêtes sociales et de maintenir notamment public des services qui sont public, et parce que c'est la seule manière de permettre l'égalité entre les gens, c'est à travers un service public et certainement pas à travers des services privés. Alors, sur la question du consensus, c'est réglé autour d'un thé. Le thé, j'aime bien le prendre avec toi, j'adore le prendre avec les agriculteurs ou avec les syndicalistes ou avec les ONG, ou tout ce que tu veux, avec les artistes. Donc il y a, en fait, pour reprendre le slogan des indignés, 99% des gens avec qui je prendrais très volontiers un café, ou un thé plutôt, mais c'est pas autour de la table que les choses vont se régler. Là, je te rejoins. Il y a un rapport de classe entre ceux qui détiennent le pognon et puis ceux qui sont obligés de bosser pour survivre. Et donc là, il y a tout ce qui est dans la poche des travailleurs à travers une augmentation de salaire, à travers des congés payés, à travers des services publics. Mais tout ça n'est pas dans la poche de l'actionnaire qui a mis l'argent sur la table et qui réclame un taux d'intérêt élevé. On parle tout le temps du coût salarial, on parle jamais du coût des dividendes qui plombent l'économie bien plus que tout le reste. Et donc là, c'est pas autour d'une table qu'on va régler ça, et c'est pas un consensus, on va pas y arriver, là je suis d'accord avec toi, il y a bien une question de rapport de force, je parle pas de violence, je parle de force, mais on l'a vu, voilà, je pense que dans l'histoire des luttes, il y a eu des combats gagnés avec, grâce à la conscientisation et l'organisation et la masse, c'est les critères. Ah bah du coup, ça me donne envie d'aller un peu regarder dans l'histoire, parce que je pense que, enfin, changer le monde, c'est pas si simple que ça. Hein. Et par exemple, tu citais Jean Ziegler, tu disais les gens, ils étaient vraiment dans la merde. Il y avait qu'à regarder en Éthiopie, les gens qui ont vraiment rien, ben ils se bougeraient beaucoup plus. Je t'assure, c'est dommage que je l'ai pas noté ici. J'ai noté Jean Ziegler. Jean Ziegler, il dit aussi que les gens qui ont mal au ventre, en gros, dans les pays pauvres, eh bien, ils peuvent pas prendre le temps de réfléchir sur notre monde, quoi. Ils s'en foutent, en fait, de tout ça. Ils ont mal au ventre, quoi, tu vois. Et je trouvais ça, pour citer en réponse à ce que tu dis, je pense que ici, petit à petit, c'est comme ça que je vois les choses, qu'à un moment donné, on est quand même dans nos conforts de vie. Et que petit à petit, il va y avoir une masse de plus en plus touchée par ce confort. Ce sera plus le confort, c'est vraiment la merde. Et ça va pousser à se bouger, quoi. Voilà comment je vois les choses. Mais j'entends bien ce que tu dis aussi, hein. Et tiens, par exemple, lors de cette manif, parce qu'on en a très peu parlé, au fond, même dans les médias, en règle générale, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui se jouera avec cette Union européenne, parce qu'elle prend des lois qui sont vraiment dingues. Mais donc, en fait, nous, on a ciblé le sommet du 19 et 20 décembre, mais il y a des sommets européens tous les 3 mois, quasi, le plus souvent à Bruxelles, qui décident de toute une série de choses, sans effectivement que même parfois le Parlement européen n'ait... clairement un pouvoir sur les décisions qui sont prises. Si tant est qu'on considérerait être représenté par le Parlement européen. Mais donc il y a un fonctionnement où notamment le Conseil et la Commission ont énormément de pouvoir. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une Europe qui défend les intérêts des plus grands et qui détruit les intérêts des plus petits. La dernière en date, par exemple, c'est que certains envisagent d'imposer une TVA sur les services publics. Bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est une des choses pour moi, j'ai parlé tout à l'heure de la sécurité sociale, les services publics et la sécurité sociale sont deux des éléments qu'on a aujourd'hui, enfin de moins en moins malheureusement, mais en Belgique, et qui permettent notamment... niveler les inégalités. On n'est pas non plus dans un pays loin de là parfaitement égalitaire, mais en tout cas au contraire, en allant beaucoup plus loin dans ces mécanismes de socialisation et de solidarité qu'on parviendra à construire un monde juste, et certainement pas en détruisant ce qui a de bon et qui notamment a permis à la Belgique de ne pas se prendre dans la gueule la crise comme la Grèce ou l'Espagne. Et donc, comme les populations, parce que c'est surtout les populations qui se la prennent dans la figure, la crise. Voilà. Mais donc on a une Europe qui est clairement à droite, ultra-libérale, qui favorise l'exportation, les intérêts. Et derrière ces politiques-là... On a tous les, toute l'économie, tous les groupes, donc j'ai cité tout à l'heure les différents groupes qui sont repris dans l'Alliance, mais donc les agriculteurs, les travailleurs, mais aussi même les PME, donc les petits entrepreneurs. Et donc on a toute une série de tout ce qui constitue la base de notre économie réelle qui est en train de se faire laminer. Au profit d'un, bah justement, de rente, de profit à très court terme. Et donc, tu parlais de l'Espagne, et c'est vrai que souvent, on pense aux pays qui sont les plus impactés par la crise, que sont la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, mais il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, c'est catastrophique aussi. Ah oui, parce qu'on n'arrête pas de parler dans les médias que l'Allemagne, elle cartonne. Donner un petit chiffre, il y a trois fois plus d'épiceries sociales en Allemagne aujourd'hui qu'en 2008. Pourquoi il y a plus d'épiceries sociales ? Parce que les gens en ont beaucoup plus besoin. On a des emplois à 400 euros par mois. On n'a pas de salaire minimum en Allemagne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, oui. Oui, et les gens sont obligés de cumuler plusieurs boulots pour subvenir à leurs besoins. On n'en parle pas. Voilà, mais on tire modèle de l'Allemagne, mais je ne sais pourquoi, qu'est-ce qu'on veut pour dire qu'économiquement, quand même, elle est au top. Pourquoi on dit ça et d'une main, alors que tu peux expliquer ? Mais donc l'histoire, c'est au niveau de la balance commerciale. Donc l'Allemagne exporte plus qu'elle n'importe. Et donc elle est en excédent commercial, alors que la plupart des pays européens sont en déficit commercial. Et donc du coup, on dit, bah voilà, c'est ça le modèle, alors qu'en fait, ce modèle, il est basé sur plus de 10 ans de stagnation des salaires, sur la diminution, en fait, de la consommation intérieure. Donc on base tout sur l'exportation, c'est-à-dire qu'on produit, à la fois on a un niveau de recherche, d'innovation et tout. Voilà, on a eu un petit incident technique, c'est reparti. Voilà, mais donc l'Allemagne base sa politique et son modèle sur les exportations sans tenir compte de la consommation intérieure. Et donc ce qui est hallucinant, c'est qu'ils prônent des politiques d'austérité comme ils les ont appliquées en Allemagne depuis 10 ans, qui ont entraîné une diminution du pouvoir d'achat, l'accroissement du nombre de personnes qui sont soit en risque de pauvreté, soit en situation soit sous le seuil de pauvreté, avec notamment tous les plans ARTS 1, ARTS 2, ARTS 3, ARTS 4, qui visent notamment à diminuer, à créer des petits emplois pas chers à 1 euro, 1,50 euro de l'heure, alors que le niveau de vie, les logements et la nourriture sont au même prix que chez nous. Vous imaginez survivre avec des montants pareils. Et donc on a notamment les familles monoparentales qui se retrouvent enfoncées dans une détresse sociale ou avec aucune perspective de changement et d'amélioration. Et alors les fameuses épiceries sociales qui voient la demande s'accroître de jour en jour. Et donc, mais au niveau du bilan entre exportation et importation, alors qu'en fait, si la possibilité d'exporter, elle est due au fait qu'il y a un certain niveau de vie dans les autres pays. Donc ce qui est en plus hallucinant, c'est que même si on rentre dans cette logique de il faut diminuer le niveau de vie des gens pour produire pour moins cher et pour pouvoir vendre, mais il faut bien acheter, il faut qu'il y ait des gens qui achètent quelque part. Et donc la logique est mortifère, en fait, parce que l'Allemagne exige des autres pays européens, qui parfois sont largement consentants, qu'ils diminuent également leur niveau de vie. Et donc à un moment, plus personne ne va pouvoir acheter. Alors si on veut être cynique, on pourrait presque se dire que c'est une manière de contribuer à une mise à niveau au niveau mondial, mais franchement, à quel prix ? Je pense que c'est vraiment du cynisme d'imaginer ça, mais bon, c'est vrai que quelque part, le niveau de vie, grâce à leur développement économique, mais aussi... Pardon. Tu parles toujours de l'Allemagne, là, hein ? Non, maintenant j'étais partie en Chine en disant, grâce à leur développement économique et aux mobilisations des travailleurs, le niveau de vie des Chinois augmente, le nôtre diminue à cause des politiques d'austérité et néolibéralisme qui écrase tout en Europe, et résultat des courses, on va se retrouver moins compétitifs. Enfin, je veux dire, nos niveaux vont s'aligner. C'est du cynisme, hein, parce qu'il y aura toujours des travailleurs qui bossent pour moins, et on arrivera toujours. Et déjà, à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences énormes entre la vieille Europe, entre guillemets, les pays de l'Est. Et alors, ce qui est assez risible, c'est que d'un côté, on nous fait miroiter l'illusion d'une Europe forteresse où on va empêcher les migrants de venir nous piquer notre job et nos aides sociales, alors qu'à l'intérieur de l'Europe, ce qui est évidemment une illusion, et non seulement une illusion, mais en plus complètement inhumain, puisque c'est tout à fait légitime pour une personne qui vit des situations d'exclusion, de discrimination, enfin bon, j'en passe des meilleurs, de chercher à vivre un endroit où elle vivra mieux et plus digne. C'est dans toute l'histoire, on a toujours vu des phénomènes migratoires et nous-mêmes, on a migré. Et aujourd'hui, on a des Européens du Sud qui migrent et c'est bien légitime en espérant pouvoir vivre mieux et élever leurs gamins ailleurs, quoi, où ce sera plus correct pour eux. Et donc, bloquer les migrations, c'est complètement une illusion. Mais par contre, ça crée un réservoir de main-d'œuvre pour le développement de l'économie informelle et ça met en compétition les travailleurs. Donc, on est dans une logique de mise en compétition des travailleurs qu'on retrouve avec la directive détachement, notamment par rapport aux travailleurs des pays de l'Est, qui ont des salaires 10 fois moins élevés que les nôtres. Mais par contre, là, on encourage, entre guillemets, la circulation de la main-d'œuvre pour faire pression à la baisse, notamment dans les secteurs dont on dit qu'ils sont non délocalisables. Et donc, il y a des secteurs qui s'en prennent particulièrement plein dans la figure. Par rapport aux travailleurs des pays de l'Est, et c'est pas du tout eux que je cible, hein. C'est bien les politiques et la manière dont on nous met dos à dos des gens qui en fait défendent le même intérêt, c'est-à-dire l'intérêt d'essayer de vivre correctement, d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de pouvoir élever et éduquer ses gamins. Les travailleurs polonais, bulgares et belges ont ce même intérêt. Mais ils sont mis dos à dos, notamment dans le secteur du transport, mais aussi dans le secteur du bâtiment, pour dégrader, en fait, et amoindrir complètement la capacité d'organisation des travailleurs au niveau syndical, en disant, de toute façon, si vous n'êtes pas content avec les salaires qu'on vous donne, eh bien, y en a d'autres qui sont prêts à faire le boulot pour moins cher. Et avec le phénomène de sous-traitance qu'on surexploite, donc en fait, des entreprises qui avant internalisaient un secteur, donc si tu veux, bon, donner un exemple réel, je gère une gare, je suis un service public par ailleurs, je gère une gare, je m'occupe de tout dans cette gare, y compris du nettoyage de cette gare. Et puis à un moment, voilà, on rentre de plus en plus dans cette logique d'externalisation. Ah oui, mais c'est pas mon métier de base. Moi, je suis censé faire passer les trains. Je suis pas censé nettoyer mes locaux. Ben, en même temps, avant, l'entreprise était multifonctionnelle et elle faisait tout ce qui contribuait à son développement économique. Aujourd'hui, non, on externalise. Et ce phénomène-là, c'est en fait une possibilité de mettre sous le cadre de réglementation inférieure des travailleurs. Donc, au lieu d'être de dépendre par exemple du statut de la fonction publique pour les personnes qui nettoient les gares. Aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises sous-traitantes qui elles-mêmes sous-traitent à des sous-traitants qu'elles sous-traitent, hein, donc le phénomène de sous-traitance en cascade. On choisit le sous-traitant parce qu'il est moins cher que l'autre, c'est le critère premier, et surtout dans une entreprise privée, à la limite on pourrait exiger que dans une entreprise publique ce soit pas le premier critère, mais dans les faits c'est ça. Et en bout de course, on trouve le travailleur sans papier par exemple qui lui a pas le choix que d'accepter les mêmes salaires que ceux de l'Allemagne, c'est-à-dire 1 euro 50 de l'heure. Et en faisant ça, on détricote les conditions de travail. Et ça, c'est, je pense, vraiment un travail de conscientisation que, en tout cas, au niveau du mouvement ouvrier, on doit faire de manière vraiment massive. C'est de faire prendre conscience que les intérêts des travailleurs avec et sans emploi, avec et sans papier, sont convergents, sont les mêmes. Et c'est seulement si on parvient à, par exemple, obtenir un salaire plus élevé dans les pays de l'Est, si on obtient des droits pour les travailleurs migrants, si on obtient des améliorations pour les travailleurs d'autres pays extra-européens, j'entends, puisque notamment l'objet de la mobilisation du 19 décembre, c'était le fait qu'il y a des négociations pour le moment par rapport à un accord, un partenariat commercial gigantesque. Donc des partenariats commerciaux, il y en a un paquet, mais celui-là, il est particulièrement énorme puisqu'il représenterait quasi la moitié du PIB mondial. Donc si on prend toutes les richesses produites au niveau mondial, la moitié le sont dans l'Union européenne et les États-Unis. On mettrait ensemble, donc on construit un partenariat de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, et du coup on obtient une force super puissante qui pourra imposer son modèle de relations commerciales. Et son modèle de relations commerciales, c'est à nouveau notre proverbe liégeois, c'est-à-dire c'est les petits qu'on écrase et les grands qui gagnent. Et donc les petites entreprises ou les PME européennes et américaines ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire de parvenir à développer au niveau local leur entreprise et pas de faire concurrence aux États-Unis ou l'inverse en fonction de là où on se place. Mais donc l'idée d'un super grand marché, c'est un moyen pour rajouter une couche par rapport aux politiques d'austérité qu'on connaît déjà, et je suppose que les gens qui nous écoutent savent que voilà, aujourd'hui on a diminué la dotation à la SNCB, donc on ne s'étonne pas après si les prix des tickets augmentent et la qualité du service aussi. On licencie tant dans le secteur privé que dans le secteur public. On diminue les allocations de chômage, le montant et la durée pour notamment les allocations d'insertion. On restreint le statut des artistes, enfin l'accès au statut des intermittents du spectacle, on diminue les subventions aux associations, enfin, dans tous les domaines, on est en train de faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour sortir de la crise. C'est dingue parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et c'est dingue parce que j'avais aussi envie d'aborder ce sujet, Franck Lepage. Tu vois Franck Lepage, les conférences gesticulées, dans une de ses conférences, il parle de la culture hein, et de l'éducation populaire et il fait comme ça un historique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre des choses qui sont un peu cachées, secrètes, qu'on ne dit pas tout haut. Et il dit, par exemple, je ne sais plus le chiffre exact, mais il parle comme ça des ouvriers, puis il dit « les ouvriers ne sont plus représentés dans le théâtre, au cinéma ». Et il avait aussi une autre liste, hein, mais comme si l'ouvrier n'existait plus, pourtant il est là. Il est encore à 30%. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais est-ce que tu ne crois pas dans le futur? Bon, pour le moment, il est là, l'ouvrier, c'est sûr. On n'en parle pas, il n'est pas vraiment à la mode. Hein. La mode, c'est plutôt radio, télé, tu sais, ça c'est fun, quoi. Hein. J'imagine un ado, j'ai envie de devenir ouvrier. C'est plutôt rare, mais ça existe, hein, il y en a encore. Mais c'est pas ça le fun. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ouvrier justement dans le futur? Est-ce qu'il est amené à disparaître? Comment est-ce que tu vois les choses? En quelques mots, parce que franchement, il reste 5 minutes. C'est en plus avec une question énorme. Moi, ce qui me semble vraiment le plus évident à dire, c'est que aujourd'hui, même si effectivement le mouvement ouvrier n'a pas bonne presse, c'est pourtant le seul qui peut nous sortir de la merde. Alors là, c'est même pas 5 minutes, hein, mais c'est encore moins. Mais ce ne sera possible que s'il accomplit une révolution non violente en interne. Je pense qu'il faut changer la manière de travailler, avec qui on travaille, comment on travaille, pourquoi on travaille. Il y avait toute une série de choses à revoir. Par exemple, enfin, j'ai beaucoup insisté sur la mise en concurrence des travailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la manière dont les syndicats sont organisés, notamment par secteur, ne correspond pas en fait à la nouvelle architecture économique. Donc aujourd'hui, pour moi, les syndicats devraient beaucoup plus, et je ne suis pas la seule, hein, il y en a d'autres qui pensent comme moi, devraient beaucoup plus s'organiser en réseau. C'est-à-dire notamment en organisant tous les travailleurs de la chaîne de production, y compris donc les sous-traitants. On a vu les travailleurs, quand l'annonce de la fermeture de Ford a été donnée, c'est les travailleurs des sous-traitants qui se sont notamment mobilisés parce que en fait, ils n'ont qu'un employeur, c'est Ford. Donc c'est pour ça que je dis, la sous-traitance, elle est utilisée comme une manière de diminuer les coûts, d'externaliser les risques par rapport à la gestion d'un service qui en fait reste le service de cette entreprise-là. Si Caterpillar, si Ford, si Mittal ferme, c'est tout un secteur, toutes des entreprises qui n'ont qu'un seul donneur d'ordre, qui est cette grosse entreprise, mais donc qui a externalisé et en mettant en concurrence les travailleurs les uns avec les autres. Et donc ça, il faut sortir de ça. Il faut parvenir à s'organiser en réseau et retrouver la cohésion d'un syndicalisme fort. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut mener un combat au niveau de l'entreprise, ça c'est clair, mais en même temps, l'interlocuteur n'est plus le même aujourd'hui et il faut parvenir à s'organiser un maximum au niveau interprofessionnel, donc en sortant d'une logique notamment de secteur, et en travaillant toutes les questions, en défendant le travailleur dans toutes les dimensions de sa vie, y compris l'accès au logement, l'accès à la santé, la possibilité d'éduquer ses gamins. Donc je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large de l'intérêt de l'ouvrier, si je reprends le terme que tu utilises. Mais aujourd'hui, l'ouvrier, quand je dis mouvement ouvrier, je pourrais dire mouvement des travailleurs, c'est surtout mouvement des salariés, c'est ça le concept. Je pense qu'il n'y a pas de raison de mettre en opposition ouvriers et employés, en plus aujourd'hui, de moins en moins. Mais alors, il y a aussi la dimension nationale, européenne et internationale. Je pense que le patronat, aujourd'hui, s'organise au niveau... aujourd'hui, depuis déjà un paquet d'années, non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et là, par contre, je pense que nous, au niveau mouvement ouvrier, on n'est pas... on n'a pas réagi assez vite. Et que l'organisation... donc si, par exemple... Quand on subit des menaces de délocalisation, si on pouvait être directement en réseau, en lien, connecté, connaître les travailleurs des autres pays qui vont, entre guillemets, bénéficier, avec quatre guillemets, de la délocalisation, mais qu'on se batte ensemble. Donc quand il y a des restructurations à un endroit, toute la chaîne, nos ennemis aujourd'hui, ce sont essentiellement les multinationales. Et donc il faut avoir des stratégies par rapport à ces multinationales. Mais pour moi, le mouvement ouvrier, en tout cas, pour... clôturer là-dessus, est vraiment plus pertinent que jamais, mais il doit faire une révolution en interne, parce que s'il continue à fonctionner en défendant le niveau de l'entreprise, le secteur, et d'abord les travailleurs qui ont un contrat à durée indéterminée, alors qu'aujourd'hui, on voit une précarisation du travail, des gens qui ont des petits contrats, qui sautent d'un intérim à l'autre, et c'est avec ces gens-là, c'est avec les jeunes qui ne sont pas encore à l'emploi qu'il faut pouvoir bosser pour créer des alliances entre toutes et tous, et parvenir à construire une mobilisation qui pourra vraiment faire reculer, parce que c'est bien dans le champ économique que le problème se trouve. Donc on a parlé, je pense, pas mal, et à juste titre, du problème politique, parce qu'il y a la question comment est-ce qu'on régule, comment est-ce qu'on crée notamment un espace de vivre ensemble qui réponde aux aspirations des populations. Donc la dimension politique est super importante, mais aujourd'hui, nos politiques, ils sont cul et chemise avec des intérêts économiques. Et c'est ce qui mène le monde aujourd'hui, ce sont les intérêts de ceux qui détiennent les plus gros capitaux. Et c'est donc à ceux-là qu'il faut s'attaquer, et pour ça, il faut une stratégie bien construite, large, interprofessionnelle, et qui mobilise massivement. Et sans violence. Ce qu'on souhaite, mais c'est pas gagné. C'est terminé, dommage, j'avais encore plein de choses à te poser comme questions. Merci beaucoup Myriam d'avoir joué le jeu de ce micro ouvert. Avec plaisir.